Yeah. qu'elle puisse grandir davantage. Elle n'avait juste qu'un ennui, c'est de comprendre les jours de pluie. Mais je suis là. Thank you.

toutes les bimbo. La cochonne veut sa cartouche, mon grain est dans une partouze avec son pote la tarte. Mais une taille va déterminer. Conculé avec madame Y sur la photo copieuse, je suis défoncé du tout transpirant. Aspergé, j'ai rempli le réservoir, je lui colle dans les yeux. Elle est motivée, sous pression, elle est récipient. Adultère, et son mari me paie pour que je la surveille. Détective, omnubilé, je suis tombé amoureux, je lui dévoile. Groupie love, tu me je suis très confiant. Y'a pas plus fier et plus frais, j'suis un putain de narcissique, c'est vrai. J'ai le profil classique du type qui se croit à l'abri de l'amour. En fait, c'était comme ça jusqu'à ce jour. Car maintenant, j'crois que c'est mon tour. Nos yeux se croisent à un instant et j'en ai des frissons tellement je sens que je sais qui tu es. On se connaît depuis toujours. Dans mes rêves, t'es la pouliche vers qui j'cours. Que j'ai toujours voulu chevaucher. Mais que chaque fois, j'me suis réveillé avec la certitude que t'existais pour vrai. Maintenant, t'es devant moi, c'est fait. Te sens soudain spécial, c'est normal, nos cœurs se parlent. J'suis ton idole, mais t'es en train de devenir la mienne. Ou si tu n'es pas folle, n'écoute pas tes amis qui disent que jamais tu seras dans mon lit. Au contraire, je te laisserai me réveiller le matin avec mon déjeuner dans les mains. Clin d'œil et sourire en coin, ce sera notre petit secret. Dans un avenir pas si lointain, chanson portant ton nom. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Moi, moi, moi, j'ai toi, toi, toi, tu as quoi? Toi, toi. si tout allait bien. C'était comme si tout allait bien. Devant l'aide bagnole, de très jolies femmes, et bien sûr le câble, et bien sûr le câble. Mais il en est rien, non il en est rien. Les enfants de demain. Mais je t'en prie, ne me laisse pas seul au milieu. We'll be right back. faisait chaud, mais là il fait chaud, hein. T'es si jolie dans ta robe de la friperie, que tu mettais les samedis, que tu mettais les samedis. Mais encore plus jolie sans ta robe de la friperie, je t'enlevais pour la nuit, je t'enlevais pour la nuit, parce qu'il faisait chaud, il faisait chaud. Ta robe de la friperie avec des tulipes. Et les oiseaux chantaient les chansons de Dumas, se promenaient dans le parc. Ah, ils chantaient les chansons de Dumas. Et moi, ça et toi, sans ta robe, la friperie, tu me disais, allez Dumas, rock-moi encore. Rock-moi plus fort. Tu étais si jolie dans ta robe de friperie, tu m'étais le samedi, tu m'étais le samedi. Je suis le cours de tes jours, à demi éveillé. Je suis le cours de tes jours. Dépresso allongé, je me file un espresso. Je t'attends. Maniaco dépresso allongé, je me file un espresso. Je t'attends. Tu me dis pour me sentir en vie. Je suis pas rentré la nuit. Pour me sentir en vie.